Cantique, gros seulement, numéro 41, page 14, sur les ailes d'une colombe. No way avec naviguer sur les eaux plusieurs jours. Il chercha la terre ferme de plusieurs manières. Des ennuis il a eu, mais non pas des siens. Du ciel. Dieu lui donna son signe, Dieu lui donna son signe, sur les ailes d'une colombe, colombe blanche, sur les ailes d'une colombe, blanche comme nuit, et en voyageant, on t'offre, est-ce qu'il y a des sur les ailes d'une colombe, aux colombes blanches, sur les ailes d'une colombe, ah, comme est-ce que y'a voyageur à l'amour, qu'aucune est-ce qu'il y a des sœurs, un Seigneur du Yeah. chanson à l'inspiration de ce cantique. Il avait auparavant deux strophes. Et l'église, Branham Tabernacle, on chantait ça avec le premier et le deuxième strophe. Mais les troisièmes strophes ici, ça c'est la composition du prophète Branham. Il a ajouté ça à l'occasion de la guérison divine. Que Dieu lui avait donné contre les démons d'ulcères d'estomac. Il a tourmenté pendant beaucoup d'années. Mais un jour, Dieu lui a donné le signe. D'une colombe. S'est envolé d'un lieu vers un autre. Alors qu'il était en brousse. Ton ennemi est mort. De ce moment-là, Abraham était guéri. Quel que soit le nombre d'années de ce prophète, il y a un Dieu qui apporte la guérison. Il en soit de même pour toi aussi. Alors ces paroles qui sortaient d'une expérience, il a dit bien qu'ayant beaucoup souffert, c'est bien de manière. J'ai crié pour la guérison. La nuit comme le jour. Lui Branham. Il criait pour la guérison. La nuit comme le jour. Pour faire des dons de guérison. Mais lui-même, c'est pas un démon. Pendant des années, a crié pour la guérison. Et la foi ne fut pas oubliée. Par le Père Céleste, il a dit toutes ces années, il a décrit, malgré les douleurs. Le Père Céleste observait la foi. Il n'a pas oublié. Et il me donna son signe. Sur les ailes d'une colombe. Le même Dieu vit encore dans son message. C'est pour lui que nous nous sommes déplacés jusqu'ici. C'est pour les rencontrer que nous sommes venus. C'est pour l'expérimenter et témoigner. Que Dieu visite ta foi. Que Dieu visite ton cœur ce matin. Et qu'il t'accorde une grâce nouvelle. Car il n'a pas vieilli. Il n'est pas dépassé. Amen. Il n'est pas devenu paralytique. Il n'a pas connu d'accident. Mais il est le même. Toujours le même. Encore le même. Que ta foi ne faiblisse pas. Que ta foi ne se décourage pas. Un jour bientôt. Et peut-être que c'est déjà aujourd'hui. Ce que tu réclames avec tant de temps. Trouvera solution certaine. Ton ennemi est mort. Oh, Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous tenons un grand merci pour ce privilège et cette merveille que tu places sur notre chemin ce matin pour pouvoir nous rassembler au nom de Jésus-Christ et commémorer tes victoires. La plus grande victoire de la résurrection de Jésus-Christ. Il a relevé le défi. Il a brisé les seaux des pattes. Le secret de la vie après la mort. Nous n'attendons pas les programmes de l'empereur. Nous nous souvenons de la résurrection de Jésus-Christ. Lui qui peut varier les programmes chaque année. Les dates de chaque ne font que changer chaque année. Aussi les dates précises. Voilà dans la Nous n'assemblons pas ce programme. Mais nous nous souvenons de ça chaque dimanche. Que tu es ressuscité des morts. Oh Seigneur. Que tu le fais du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit célébré. Chaque jour tu es suffisant. Tu es bien fait ça pour nous. Agrée notre culte. Le service que nous t'offrons. Bénis le culte de ce matin. Et visite chacun. Nous te prions au nom de Jésus. Visiter la foi de chacun. Et d'apporter l'édification. Une grâce nouvelle. Une bénédiction nouvelle. Marchez plus près de Dieu. Pardonne nos défauts. Toutes sortes de failles que nous pouvons avoir. Nous prenons parce que tu es partage. Nous reconnaissons que nous sommes insuffisants. C'est en toi qu'il y a tout, Seigneur. Elle repose notre prière. Guéris les maladies encore. Que ces ennemis l'emmènent. Nous voulons traverser, Seigneur. Tout obstacle, toute barrière. Nous voulons traverser, Seigneur. Tous les domaines de notre vie. Donne-nous la traverser. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions et nous te croyons. Lâche-nous ta parole. Parle-nous, Seigneur. Du haut des cieux. Et fais du bien à nos âmes. Le sang de la nuit immolée. Nous prions et nous t'adorons. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et bonnes amis. Et sentez-vous à l'aise. Mais regardez à aucun ennemi. Mais regardons à Dieu seul. Nous lisons dans la Sainte Bible. 1 Jean 4:1 Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Balimami, bondima mili moyen sote, kasibume kamili mosoko meoti na zambe. Prete basakoye na lokuta mingi basili kobima kati na mukili. Apocalypse chapitre 2, le verset 2e. Mon iseli mokapoe vivale, molongo vivale. Je connais tes œuvres. Ton travail et ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ce que se disent apôtres et qu'ils ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Bakolobaka ete bajali bantoma, ne bajali bongote. Pe, ete ozi bango batona lokuta. En Thessaloniciens, chapitre 5, Pukanali Bosala Thessalonica, Mokapamitano, le verset 20 à 22. Moulonga, Tukumi Bale, Kilo Tukumi Bale, Nami Bale. Ne méprisez pas les prophéties. Monsieur la difficulté. Mais examinez toutes choses. Atitala Biloko Beso. Et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Nous souhaitons à tout un chacun bienvenue à la table du Seigneur. Le bonheur de la maison de Dieu. Je vous souhaite le bonheur de la maison de Dieu. Et son côté bien dit, je vous souhaite le bonheur de la maison de Dieu. Si tu crois malheureux, crois-toi maintenant heureux. Je corrige. Si tu te croyais malheureux, moi je suis à présent heureux. La manière dont tu étais venu, n'est pas la manière dont tu dois continuer. Les choses doivent changer. Vraiment m'a dit, et ça a toujours été l'attitude. Et ça a été votre attitude. Même ce matin, déterminera ce qui va se promettre. Et pendant ce culte, et après ce culte, et toute la semaine qui vient, tout le mois d'avril, l'année qui suit, la suite de l'année, l'attitude produit les résultats. Vous aimez ça? Écoutez maintenant. Notre sujet, c'est comment éprouver un ministère. Nous avons commencé mercredi dernier. Comment éprouver un ministère? Et dans cette nouvelle leçon, nous avons donné deux vérités clés. J'espère que si je mets ici, ça ne va pas déranger. Donc, que tout le monde va quand même voir. Nous avons appris deux vérités claires. La première, c'est que Dieu n'envoie que témoins qualifiés. Amen. Ça, il faut d'abord connaître. Amen. Parce que si vous ne le savez pas, vous allez comprendre tout. Dieu n'envoie qu'un témoin qualifié. Amen. Et la deuxième vérité que nous avons apprise, c'est que ce sont les esprits qui exercent un ministère. Amen. Qui exercent. Un ministère. Ou alors, comme on l'a dit de manière simplifiée, c'est un ministère, c'est un esprit qui exerce un ministère par l'homme. Donc, par l'homme. Amen. Nous sommes ici dans les matières de la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas dans les affaires politiques et sociales. Ou dans les sciences politiques et administratives. Ne déplacez pas cette définition, sinon ça risque de poser des problèmes. Quand vous appliquez ça dans les SPA, ça devient autre chose. Hein, frère Gabriel? SPA. Les sciences PO, sciences PO, MMRB, sciences PO, PO, sciences politiques et administratives. Ici, nous sommes dans les affaires de Dieu. Nous comprenons les choses comme Dieu veut que nous puissions les comprendre. Nous utilisons le langage spirituel pour les choses spirituelles. Ne confondez pas avec les sciences PO. Ou les noms. L'école nationale d'administration. Nous ne sommes pas dans ces affaires-là. Nous sommes dans les affaires de Dieu. Comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'avait dit, il avait répondu à Marie, et c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il avait dit? Jésus-Christ, quand il était sur terre, il a donné une réponse claire. Dans Luc chapitre 2, verset 49, dans Luca, mon papa, il dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Alors, il dit, vous allez vous occuper pour la nuit. Vous n'avez pas quitté les copines en gai, vous avez la place en bas pour la certaine en gai. Les affaires de son père sont les affaires de Dieu. Ce ne sont pas les affaires sociales, comme si vous avez le ministère des affaires sociales. Il dit ministère des affaires sociales. Ou des Et puis, il y a les hommes d'affaires économiques. Et aussi, il y a les hommes d'affaires politiques. Nous n'avons pas le Congo des opérateurs politiques. Opérateurs politiques. Et puis, à côté de ça, il y a les opérateurs économique. Et puis, à côté de ça, il y a les activistes des droits de l'homme. Tout le monde a des titres qu'on a dit. Il est l'ambassadeur de la paix. Et l'autre, il y a d'avoir un passeport diplomatique. Il était né à la même date, là, en même temps, en Belgique, en même temps, à Lubumbashi au Congo. Voilà les hommes d'affaires, les acteurs du cinéma. Ils font des tout, des drames, des scènes. De... C'est toujours des scènes de mise en scène. Mais quand nous allons dans les affaires du péché, là c'est tous les seigneurs qu'il faut. Il n'y a pas de tâtonnement là-bas. La parole est oui et amen. La promesse est certaine et véritable. Les croyants sont croyants pour dire oui à Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas dire non à Dieu. Nous sommes croyants pour dire oui à tout ce que je dis. Si tu n'es pas d'accord, lève les doigts, je vais voir. Toi, tu ne peux pas dire oui à Dieu. Montre-toi. Lève les lunettes pour bien voir. Pour lire ici. Où est les doigts de celui qui veut dire non à Dieu? Où est le secrétaire, l'homme sage de ce siècle? Tu lui connais, il est grand philosophe, il peut dire non à Dieu. Dieu dit une chose, mais il peut dire non. Il n'y en a pas ici. Heureusement, il n'y en a pas dans ce groupe ici. Seigneur, tu es témoin. Dans les affaires du Père Céleste, c'est tout le sérieux qu'il faut. C'est toute la vérité qu'il faut. En Dieu, il n'y a aucun mensonge. En Dieu, il n'y a aucune fatigue. La parole n'est pas oui et non. Toutes les promesses sont oui et amen. Disons-les, 2 Corinthiens chapitre 1. Quand nous disons que dans les affaires de Dieu, c'est le sérieux, ne prenez pas ça à la légère. Deux Corinthiens 1, verset 18 et 19. Aussi vrai que Dieu est fidèle. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Verset 18. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Jean-Bierre, Christ, mon ensemble, nous avons son père, Sylvain, non, père, Timothée, tout ça, pour la quitte, il a dit non. À Jean-Lié, pété. Mais en lui, il n'y a que le oui. Amen. Les quatre, il n'a rien, et Jean-Lié, de bonne, oui. Verset 20. On va tourner dans l'air. Car pour ce qui concerne toute la promesse de Dieu, c'est en lui qu'elle oui. Amen. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Parole à chaque parole. Oui, à chaque promesse de Dieu. Ça commence dans le livre, amen. Chaque chapitre, chaque verset, chaque livre, oui, je crois son amour divin. Amen. Chaque promesse dans le livre. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Allez vous l'aimer. Croyez vous en lui. L'adorez vous. Amen. Tout est oui et non. Nous allons y aller. Nous allons y aller. Keba, awa na église, osolo baka wuye, amen. Okoma na balabala, ekomi susu. Oh, je ne sais pas vraiment, est-ce que la parole de Dieu est là aussi? Certaines choses, c'est pas nous qui comprenons mal. C'est vraiment vrai comme ça. Chaque parole est vraie. Amen. Chaque promesse est vraie. Quel que soit ce que je dis, mais la réalité ne peut pas démentir la parole. La réalité, c'est ce que Dieu a déjà dit. Et c'est ce qui est vrai. Amen. Alors, nous avons appris le deux vérités ici. Dieu n'envoie qu'un témoin qualifié. Et aussi, c'est un esprit qui exerce un ministère. Ces deux déclarations ne sont pas de l'homme David. Voilà, vous sommes là, nous allons dire à notre message. Nous aimons le message. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, dans Jean chapitre 4, nous avons lu le verset premier. Et par la grâce de Dieu, nous avons commencé à commenter. Mercredi, vendredi. Et nous continuons à y revenir. De la parole qui a des richesses en elle. Le mot ministère n'apparaît pas visiblement là-bas. 1 Jean 4, verset 1. Ministère n'est pas là. Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. Mais éprouvez les esprits. Amen. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Pourquoi on doit faire ça? La raison est donnée dans le verset même. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Dieu donne la raison pour laquelle il a dit ça. Et cela a trait immédiat avec les faux prophètes. À cause des faux prophètes. Oh, il ne peut pas y avoir que des faux prophètes. Sans qu'il puisse y avoir des vrais prophètes. Le faux, c'est la falsification du vrai. Le faux, c'est la perversion du vrai. Le mal, c'est la perversion du bien. Le mensonge, c'est la perversion de la vérité. Alors le faux prophète, c'est la perversion du vrai prophète. Amen. Voilà ce qu'il y a. Là, nous dit, nous devons éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et en éprouvant, nous connaissons la raison biblique. Parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Nous avions lu en parenthèse Matthieu 7, le verset 15. Que nous avons lu le dimanche. Et que certains d'entre nous ont la meilleure occasion de venir adorer que le dimanche. Certains. Bon, mais d'autres, ce sont volontairement les dominicains. Volontairement. Ça, nous ne pouvons pas approuver. Ok. Dans Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Amen. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravissants. Vous faites un peu de la bataille, les faux prophètes ont les apparences des brebis. Ce sont comme des croyants. C'est comme les enfants de Dieu. C'est comme les serviteurs de Dieu. Quand vous regardez les deux d'ailleurs, il n'y a pas de différence. Mais le problème, c'est au-dedans. C'est ce qu'il y a au-dedans. Dans Romains chapitre 2, la parole s'ajoute à la parole. Vérité sur vérité. Il est écrit ceci. Romains chapitre 2, verset 28 et 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Amen. Mais c'est celui qui est visible dans la chair. Mais le juste, c'est celui qui l'est intérieurement. Amen. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Amen. Selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juste ne vient pas des hommes. Mais Dieu. Mais Vous distinguez un juif d'avec un non-juif, ne regardez pas les apparences. Pour distinguer un vrai prophète d'avec un faux prophète, de même, ne regardez pas les apparences. Est-ce que vous suivez la comparaison? C'est le même Saint-Esprit qui est en train de parler dans la même Bible. Et qui nous enseigne comment nous tirer d'affaire. C'est votre équation compliquée. Si tu veux identifier si quelqu'un est juif ou non, ne regardez pas ses apparences. Ne dis pas il a un écrochi. Ah non, mais il a une longue barbe là-bas. Ça doit être un rabbin. Les apparences trompent. Vérifiez-le dedans l'intérieur. Même chose quand vous voulez connaître un vrai prophète. Ne regardez jamais au sapin. Car là, vous allez vous tromper. Voilà, vous devez considérer l'intérieur. Et c'est ce que nous enseigne 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ne croyez pas tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir si ils sont de Dieu. Or quand il est parlé des esprits, ce ne sont pas les apparences. Ce ne sont pas les dehors. Mais c'est plutôt l'intérieur. Car Dieu, quand il a formé l'esprit de l'homme, il n'a pas placé au dehors de l'homme. Quand Dieu a façonné l'esprit de l'homme, il l'a caché au dedans de l'homme. Vous voulez lire la pensée? Allons-y pas à pas. L'écriture est parfaite dans son expression. Chapitre 12. Il a dit ceci au verset 1. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre. Écoutez bien maintenant. Et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. L'esprit de l'homme n'est pas au-dehors de l'homme. L'esprit de l'homme n'est pas dans les apparences de l'homme. L'esprit de l'homme a été formé par Dieu au-dedans de l'homme. C'est à l'intérieur de l'homme. Il y a l'esprit de l'homme. Donne-moi une deuxième illustration. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Ce que dit la Bible est encore clair. Il est dit ceci. Verset 11. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est où? Vous allez voir qui est en lui. Vous allez continuer. Non pas qui est au dehors de lui. Vous allez continuer. Vous allez lui parler. Il serait visible dehors. Comment on en a parlé? L'esprit de l'homme est à l'intérieur de l'homme. Vous allez continuer. C'est vrai. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. La carte n'a pas tourné. Il a été ma camion moto. Vous allez monter mon moto. Donc, l'esprit de l'homme est à l'intérieur de l'homme. Il est esprit séducteur. Il est esprit de démon. Quand il vient aussi dans l'homme, il vient ne pas rester dehors. Mais il est entré en lui. Croyez-vous ça? C'est toujours à l'intérieur qu'il veut résider. Il vient s'associer à l'esprit de l'homme qui est à l'intérieur de l'homme. Et ça, il faut faire très attention. Et il faut veiller vraiment à ça. Les esprits viennent à l'intérieur et prennent position à l'intérieur. Voilà ce que le Seigneur nous a enseigné. Ici, dans Matthieu au chapitre 12e, vous voyez exactement cela. Il est dit verset 43 à 45. Lorsque l'esprit impur, un démon, l'esprit impur est sorti d'un homme. Vous voyez, il pouvait avoir des à l'intérieur, mais une main puissante. Le bon comment on a goûté? Où les doigts de Dieu? La parole de Dieu. Il doit en zambé. Il y a autorité sur tout. Il faut se rendre pour amener mon mission. Il est l'indexé. Il est l'indexé. Et puis qu'il va dans quoi? À travers un croyant affermi. En mon divin qui me salue. La parole peut chasser un démon. Il veut que vous la démon. Et il sort de qui? Elle commet mon anani. Ben non. Mais qui n'était pas dehors, mais qui était à l'intérieur. L'autorité de la parole, par la foi des croyants, peut déloger les démons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont dit. À mon nom, ils chasseront les démons. Vous avez le pouvoir de chasser. Même s'ils se cachent comme dans la personne, par la foi, Dieu vous a donné le pouvoir et l'autorité de les chasser. Et ils nous obéiront. Attends, le même sur mon demande côté, demande wapi, wapi. Et ça n'a qu'à mis sur le thé. Et pas terminé à cacher un bouton. Mais sans vous prononcer, il n'y a quoi. On a mis, vous voulez m'aider. Pima. Mbala mon côté, amen. Tu ne crois pas? Tu ne crois pas, il va se faire. On est mis à l'aise, mais on a fait votre salut. Amen, on a eu Konda Boyendengeni. On dirait au sein de la Kamoti. Il y a mon discours. Pourtant, on voit la vérité. On commet que le bas amen, il y a formalité. Amen. Et non, le bas amen, il y a l'iniqui. Amen. Il y a mon sac au lien solo. D'un vrai témoin. Amen. Que la parole, ce qu'elle dit, c'est vrai. Dans ma maison, je l'ai déjà expérimenté. Amen. Amen. C'est vrai? Il dit ceci. Le lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Donc on a beaucoup. Alors on va dans ma vie. Dans ma salle, on te pose à l'adorateur, mais démon a commis sinon, n'a pas. Est-ce que vous avez un? Nous voulons combiner avec des démons. tango abengani ya bini aza lesite azole la nila azole kande azonga azole ba na azonga na ndaku na ngai ndaku na hii ye mtu wakela mwisi mwini banko demo ba ya kaba empoli eh azole bengwa yu mtu zamba keni yu poza la mwusali ye mwusala na hii poza ambulateri ya zambe ni ya komisi yu ndaku na hii est-ce que ça ne peut pas te révolter. Toi un frère, tout un frère, toi une frère, tout une frère. Que tu deviennes une maison d'un démon. Quand on les déloge, il lui réclame de rentrer là-bas. Et il appelle ça sa maison. Mais après ça, impoli. Il faut s'en messager. On prouve que Oyemi ou Aleki Yenambula. Tu as relation avec l'autorité supérieure. Le propriétaire de l'univers. Des cieux et de la terre. Toi qui as dit que sous le ciel tout m'appartient. Tout appartient à Dieu, pas au démon. Amen. Bonico, toi c'est le meilleur ami, mais frère, l'avocat. Sœur, l'avocat. Moi je dois connaître la foi de mon Dieu. Il m'a dit vous chasserez les démons. Qui est politique à niveau. Ajoutez nous pouvons faire mon oro, ajoutez nous pour le ajoutez le fait démon. Qui est d'accord dans l'aïe. Hein? Ajoutez nous pour le d'accord dans l'aïe. D'accord dans l'aïe. D'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va. Il va chercher des enfants. Et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison et s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Wana molimo na mbino ebimi na moto. Akotambola na bisika bizangi mai mpona koluka efandelo nde akozwa te. Bongo akoluka ete na kozonga na ndako na ngai wana ebimaki ngai. Ekokoma ye akomona ete ezali pamba mpe ekombami mpe ebongi sami. Bongo akokenda mpe akozwa milimo mosusu sambo. Baoyo baleki ye na mabe mpe bakoyingela kovanda kuna. Se motindo na suka na moto yango ekozala mabe koleka motindo na liboso. Voyez comment votre état d'âme c'est salutaire. Omoni lolenge na yamoni ezali kobebisama. C'est l'invasion par les esprits. Ezali bademona bazali kokota kuna na qui détruisent votre condition spirituelle. Au lieu de devenir meilleur devant Dieu, vous êtes devenir pire et pire encore. Les démons que vous laissez. Vous allez boutique. Auquel vous laissez du terrain. Vous allez boutique la bangou. Et le Seigneur dit qu'il en sera de même pour cette génération méchante. Le propre nom explique. En parlant de la génération méchante. Il parle de la génération méchante de son époque. Et la génération méchante d'aujourd'hui. Le propre nom dit qu'il parle les deux à la fois. La génération qui était avec lui là-bas. Et de la génération. Qui est la nôtre aujourd'hui? Ce sont des bibou et le wéli. Ils ali. Des patois. Ils ali patois. Ils ont sans résistance. des gens sans position. C'est toi qui ne connaissent pas les dieux. Ok, Daniel a dit qu'au temps de la fin, dans les derniers jours, je vais entrer le peuple. Qui ne connaît pas les dieux, nous aurons de plus grands exploits. Bonjour qui s'est l'occupé en Zambé la Bino. Azan Zambé, Aza et Lomé. L'occupé n'a pas été lié à Bana, il faut être au Kana. Il m'a le fait l'Ega. Parce que notre Dieu est un grand roi. Au-dessus de toutes les idoles. Sa droite et sa voix. Les esprits mauvais tiennent. Ils entrent dans cette génération méchante. Parce que ce sont des wéle-wéle. Ils sont là avec qui wéle-wéle. Des passoires. Ce coin de Boutouga. Un pas en avant, cinq pas en arrière. Un peu de succès, trois de défaites. Ces choses-là doivent changer. J'ai dit que ça doit changer. Ma foi doit répéter ce que j'ai dit. Ma foi changer. Ephésiens chapitre 6 nous dit ceci. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce qui est visible, ce qui est apparent. Que ce soit au sujet de faux juifs, de faux croyants, de faux prophètes. Notre combat n'est pas dirigé contre les hommes de chair et de sang. Notre jugement n'est pas basé sur la chair visible. La bataille chrétienne, ce n'est pas contre les visibles. Le sang, c'est les temps, les affaires aussi. Non. Mais contre les dominations. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde. Contre les Contre les esprits méchants. Dans les lieux célestes. C'est ça notre lutte. Notre combat. Contre les esprits. Et les esprits, c'est parce que les voix. C'est que la main touche là. Les esprits viennent à l'intérieur. Ils utilisent le corps humain. Ils utilisent les lèvres humaines. Ils utilisent les oreilles des gens. Ils utilisent les mains et les pieds des gens. Pour donner le pas de danse et apprendre la bénédiction des gens. Mais à l'intérieur il y a les esprits. Mais notre attaque. Et notre attaque. Mais pas contre les hommes et les femmes de chair. On n'a pas de problème avec nous. Ce sont des humains comme nous. Ils sont à la vie comme nous. Notre problème. C'est les esprits qui se cachent derrière. Amen. Ce sont des esprits sataniques. Satan. On ne dit pas qu'ils sont gentils. On dit des esprits méchants. Quand c'est l'esprit impur et vaincu, alors il n'est pas solide. Regardez comment il est solide, il part chercher et dire encore. Et au lieu de prendre deux esprits et venir essayer, le Seigneur qui est parfait dans sa parole, il va en prendre deux ou cinq. Il va prendre sept esprits. Et ils viennent à huit. La force du nombre. Ils viennent forcer le passage. Et récupérer la maison. Et la condition de cet homme-là, qui avait été délivré d'un seul péché, devient pire qu'à l'époque où il n'était connu qu'avoir un seul défaut. Il s'en porte beaucoup plus de mal. Pourquoi? Il est visité. Il est envahi. Par des esprits qui sont tous sauf gentils. Ce sont des esprits méchants. Bien aimé. Pendant qu'eux sont méchants, vous voulez être tendre à l'air, les gars. Vous voulez vous montrer conciliant avec eux, négociant quoi, faisant des compromis, trouvant les angles à l'ouïe. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que ce sont des esprits méchants. Ne crois pas en leur gentillesse car ils n'en ont pas. Ne crois pas en leur douceur car ils ne les sont pas. Jésus seul est doux et aimable. L'Esprit Saint est doux et aimable. Les démons sont méchants et même très méchants. Ce sont des destructeurs. Ne leur donnez pas de terre. Ne leur donnez pas de l'espace. Ne leur donnez pas du temps. Nous devons lutter contre eux. C'est un combat acharné. Le grand me dit que le diable vous attaquera constamment. Constamment. Donc même tel que vous êtes ici, des attaques de flèches viennent. Et d'autres, c'est l'onction du Seigneur qui a monté les chocs. Autant que vous ne ressentez rien. Et vous ne ressentez pas ce que vous attaquez. Il vous a lancé une flèche. Parfois, il ne devait pas réagir. Madame Samoni, on sait que vous êtes sous le bouclier du Saint-Esprit. Comme la vie sur le Saint-Esprit, la terre est recouverte par le sang de Jésus-Christ. Mais là au-dessus, il y a un ange qui tient l'épée. Pour aller connaître la pointe, j'ai dit mon père. Il a frappé la terre. Mais il ne peut pas frapper le sang. Après, vous êtes à Matilati. Le sang est un amortisseur du sang. C'est un bouclier protection. Même quand Branham a été menacé, il a crié au secours le sang de Jésus. Vous souvenez de Rika, non? La sœur Hélène Sander. C'était une sœur qui était vedette de la musique. Hein? Elle avait composé des disques. C'était de belles musiques qui enthousiasmaient les gens. Et elle est passée par les territoires de l'évangélisation au temps de la fin. Et elle a été capturée par le Seigneur. Le grand pêcheur. Il a eu cette arme. Dans son filet. Il a cru le médecin. Il a abandonné ces choses-là. Ils disent que le Seigneur n'est pas dedans cette histoire. Oh, tout va amen. Elle s'est donnée au Seigneur. Un jour, elle est passée au volant de sa voiture. Puis, elle a entendu dans un bar voisin là. C'était un grand état, un grand bruit. La violence, c'était le rythme de ses propres disques. C'est bon. Et ça parvenait jusqu'à sa voiture. Et comment tu veux tout canaille? Et ça vraiment, lui, il y a qu'on a perdu. Des cris d'un peuple en effervescence. Ils étaient en effervescence. Alors, quelque chose de lui dit, et donc, moi, tu vas passer seulement comme ça. Et laisser ses âmes perdues. C'est tout le monde qui vous parle, il n'est pas toujours Dieu. Apparaît gentil et doux. Examinez toutes choses. Ne croyez pas tout esprit. Le diable se déguise et il met même la voix de Dieu. Tu vas laisser ces esprits périssent. Avec l'expérience que tu as. Tu peux aller leur donner ton témoignage. Pour qu'ils aussi se convertissent et croient en Jésus. Dieu l'a dit, oui. Tu seras une bonne chose. Et alors là, elle est ralentie, elle ferme la voiture. Et elle traverse la route. Et lorsque j'arrive dans l'intention de quoi? Aller témoigner pour faire des convertis. Mais qu'elle est entrée seulement là. Toute la salle a crié. Wow! Donc l'auteur compositeur est ici. Un monsieur là, directement accueillir dans ses bras. Ne pas dedans. Allez, elle aussi. Un démon est entré là même. Elle n'a rien remarqué. Ce n'était pas les yeux. Qu'est-ce qui tu es? Un démon est entré là même. Et directement, ils vont commencer à danser. Ils vont faire des démonstrations avec le Messie. Comme le Seigneur secoue toujours ses enfants. L'âme était déjà envahie. À un moment, la conscience s'est élevée. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Vous allez faire la ligne. Parce qu'il le laisse. C'est quoi? On l'envoie sauter vite. La lombango. Et là, les gars, ici. Longoli. Mbang! A caché ici, par là, à démarrer mon truc. Direction Wapi. A qui Wapi? Et pas y'a pasteur, mais. Et pas mon bâtiment, là. Et pas y'a pasteur, refuge! Parce que le temple du Seigneur venait d'être suivi. Elle venait de faire une chose indigne. Tu fais la honte de l'évangile. Tu fais la honte de l'église. Elle n'a plus voulu aller dans ses bourses. Elle a changé de direction. Droit vers chez le pasteur. L'œuvre même était à l'intérieur. Et le soleil venait de s'élever. Il entend juste dehors une voiture qui freine en cascade. Mais calme-toi, explique-moi qu'est-ce qui s'est passé. Les amis, il est ici pour les gens. Mais explique-moi, c'est quoi? Il s'est calmé un moment. Elle a commencé à relater l'histoire. Et voilà ce que j'ai déshonoré l'évangile. J'ai fait la honte. Tous ces gens-là savent maintenant que même croisent. Alors, le bonhomme lui dit, c'est pourquoi le bélier, non, ma soeur, comme tu as commis juste une erreur. Quand cette voix-là t'avait dit de prier, et d'aller témoigner, il fallait pas écouter cette voix. Il fallait continuer ton chemin. Parce que tu avais arrêté, et tu es allé là-bas, tu es allé dans le terrain de l'ennemi. C'était le diable qui t'avait assis. Maintenant, tu n'es pas perdu. Je vais prier pour toi. Je ne suis pas perdu. Non, je vais prier pour toi. Dieu te parle. Je ne suis pas perdu. Tu n'es pas en fait. Ok. Voilà. Le prénom commence à prier. Seigneur Jésus. Quand il commence, il y a le démon est sorti de derrière la scène. Sous la forme d'une grosse chauve-souris. Elle est sortie visiblement comme ça. Au moins, il sort, il regarde la direction à plat. Elle prend un peu les ailes. Elle vient maintenant vite vers Branham. Les esprits sont comme un maître. Branham a fait rien. Azo semble ne pas la scène. Si il y a eu des mots, ni la Branham. Il a crié au secours comme vous et moi. Que le sang de Jésus-Christ me protège. Au même instant, le démon a eu des vertiges. Il venait droit, il a perdu le grip, on n'est pas très condamné, il reste maintenant où on est. Et il est allé entrer sous la natte où dormait un frère de Branham sous qui il rôde. Oui, il y a ma tanga. Banal à l'axe. Mais dès que le démon est en train de dessous là-bas. Oh frère. Le gaillard s'est réveillé. La moukazi. Ce n'est pas à envier, ce n'est pas à craindre. Mes chers amis, Paninga, le sang de Jésus-Christ protège. Dieu d'Abraham a juré à Abraham que sa postérité possédera les postérités. D'où que vienne l'ennemi, nous devons avoir le contrôle d'accès. Aussi que les SRNC, quand on a du couquet. À table, à Yéna, cet autre esprit malin, il y a contrôlé quand même. À côté, il y a sous soupé. Nakouane, il y a été. Tout sous le ciel appartient à mon Dieu. Ah, Satan. Dieu a raison, Satan a tort. Dieu est vrai, Satan. Mets-toi tellement à genoux, je vais te réconcilier. Est-ce que je peux lui dire? Il n'a même pas voulu entrer dans ce terrain-là. Il est dans le bilobé là. Alors qu'il lui demande de la donner, il est écrit. Et comment il était? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et tu le serviras lui-même. À côté de ça, débat, on est, oh, mais, oh, le royaume, on est, on est, on est, on est, il n'est pas entré dans ce genre de débat. Amen. C'est distraction. Mais il s'est fixé sur les écritures. La parole de Dieu, c'est ça l'objectif qui nous édifie. Et la postérité d'Abraham doit avoir le contrôle. Amen. Amen. Amen. Mes ambalobi, ne croyez pas tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Et cela pourquoi? Parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Dans les sermons, le messager du temps de la fin. Prêché le 16 janvier 1963. Les paragraphes 93 et 94. Et aussi le paragraphe 239. Et quand mamie balait na tout comme ça tout là. Les hommes successivement ceci. Tout en gagnant la colanda na boye. Tout au long des âges. Na bilo konyoso. Il y a beaucoup de faux prophètes. Il y a là qui n'a pas sa colombie à l'écouta. Et si nous retournons à l'Ancien Testament. Donc ils ont zongi na colibana kala. Nous voyons qu'ils se levèrent et parlaient dans le nom du Seigneur. Quel mal il fait balogaki na kombo na kolo. Et que néanmoins ce n'était pas juste. À ta bonne heure qui t'es monté. Dieu n'a rien voulu avoir à faire avec cela. Dieu ne soutiendra jamais que sa propre parole. À tout jamais. Il ne soutiendra que sa propre parole. Mais tout au long des âges, il y a eu des faux prophètes qui se sont réveillés. Ils se sont réveillés, ils ont parlé même au nom du Seigneur. Dieu ne soutiendra que sa propre parole. Il ne peut conduire son œuvre que de cette manière-là. Souvenez-vous de cela. Dieu ne soutient que sa parole. Le seul moyen de savoir si un prophète l'est réellement, c'est de faire subir l'épreuve de la parole. Le seul moyen. Pour reconnaître si un prophète est vrai prophète ou pas. C'est de lui faire subir quoi? L'épreuve de la parole. C'est ainsi que vous pourrez en juger. Le paragraphe 249 il dit ceci. Quand Jésus est venu, et qu'il a amené un test, il a dit, sondez les écritures, car en elles vous pensez avoir la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les gens pouvaient-ils supporter le test? Non! Et tout le monde le sait. Les pierres de toutes les confessions. Ils ne peuvent endurer les tests de la parole. Ces pierres-là sont entassées. Et toutes les confessions qui ne peuvent pas supporter le test de la parole. Les pierres sont entassées. Cela a craqué. L'eau s'est répandue. Cela ne supportera pas le test. Oh mes amis, on envoie alors cela à la casse. Dieu a toujours considéré le caractère plutôt que le nombre. Ne craignez pas pour faire cette épreuve, parce que certains vont fuir, les autres vont fuir, les autres ne vont pas supporter. Dieu considère le caractère plutôt que le nombre. Dieu ne supporte que sa propre parole. Ne regardez pas aux apparences, encore moins au nombre. Bien aimé, n'ajoutez pas à tout esprit, éprouvez les esprits pour savoir qui sont des. Plusieurs faux prophètes sont les. Ils ont les dehors des brebis. Ils ont les apparences des brebis. Et ici dans 2 Pierre chapitre 2, hein, non seulement Jean qui en a parlé, mais même l'apôtre Pierre a aussi parlé de ça. 2 Pierre chapitre 2, verset 1 à 3, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront soudain attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses, eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille pas. Kasi basakoli lokuta bazalaki kati na bato, et la moko balakisi na lokuta bazalaki kati na bino. Bango bakoyeisa bikabanga libebi. Bakoanga na atamo konjigoyo asili kusikola bango. Bakobenda libebi nokie pai na bango penza. Mingi bakopila mobulu na bango monene pe. Pour na bango, zela na solo et kopitama. Na bilala na bango, bakonzwa mitomba kati na bino. Na maloba na kosa. Ne ekweli ekobini. Ebongisa nipo na bango. Longwa na kala ezali kolambela pamba te. Libela po na bango ekowumela kolala mpongite. Voilà ce que Dieu a dit. Il y a eu de faux prophètes. Mais il y aura également de faux docteurs. Les deux sont une menace sur le chemin de l'Église. Ils sont une menace. C'est une insécurité terrible sur le chemin de l'Église. Dieu vous arme pour savoir comment les faire. Dans 1 Jean 4, il a dit, nous répéter le verset 1 et ajouter quelque chose plus bas. Verset 1, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Balinga mibondi mamili moyo sote kasibo meka mili moko kibi uti na zambi. Pwete basako yonokuta mingi basili kubima kati na mokili. Bese kaka. Ulunga mili. Vous petits enfants, vous êtes des dieux. Amen. Et vous les avez vaincus. Amen. Amen. Bana bino vosali bato na zambi pe bosili Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, la verset 5. Ils sont du monde. Voilà les rapports. Voilà les blocs auxquels ils appartiennent. Ils sont du monde. On ne dit pas qu'ils sont dans le monde comme nous. Ils sont du monde. Les choses du monde, c'est leur vie, leur apanage. Et ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après les mots. Non pas d'après la parole vraiment, même s'ils utilisent la parole, ce n'est qu'un maquillage. C'est un embellissement idéal. Pour tromper la vigilance. Ils utilisent le nom du Seigneur. Ils utilisent l'évangile de Dieu. Ils utilisent la Bible de Dieu. Mais pour tromper la vigilance. Aller à l'intérieur d'eux. Ils sont de loups la vie. Écoutez. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Mais nous sommes des dieux. Verset 6. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Amen. Est-ce que c'est clair de sa tranche? Amen. Ok. Continue à rêver. Continue à rêver. Dieu a son ordre. Dieu a sa façon. Nous ne voulons des compromis. Dieu n'est pas dans le compromis des gens. Dieu est dans sa parole. Nous sommes des. Avez-vous peur de le dire? Les gens aussi étaient le lendo. Nous devons connaître notre position. Ou c'est 100% la parole, ou c'est oui et non ici. L'évangile que nous croyons, c'est oui et amen. Comme nous le disons, oui ou non. Y a-t-il un ministère établi par Dieu, oui ou non? Ça transfère. Amen. Nous marchons avec Oyoshi. Nous voulons porter l'espérance au Père. Tout est Jésus-Christ est avec nous. Amen. Amen. Amen. Amen. Attends, parce que nous avons dit, mais t'as la gare nombre. Succès non seulement au coup de wap. Dans un bébé, Dieu considère le caractère plutôt que le nombre. Venez au test de la parole. Venez à l'épreuve de la parole. Rendez-vous là-bas. Amen. Tout ça n'a mis à colobater. Rendez-vous dans test à parole. Vérifions point par point. Amen. Ça va dire ce qu'il y a. Nous ne sommes pas les salaires sont prospérés. Mingi. Église, avant que nous bosso, n'a pas place ce sont un gars. Cinq fois toujours ma quitte à ciga. Qui vous a dit que Satan n'a pas ça? Hein? Vous voulez comparer la popularité? Serez-vous plus populaire que le pape qui est au Vatican? Est-ce que pape, nous l'équipe pape de la popularité? Pourquoi pas pas ensemble? Êtes-vous là? Que Dieu nous aide. Amen. Des millions de catholiques et de papes. Comment vous allez ensemble? Vous pouvez compter 5 000 ou 5 000 euros. Vous pouvez aller ensemble. Vous pouvez aller ensemble pour toujours 5 000. C'est quelle arrêt qui m'a ça? C'est écrit dans quel verset? C'est quand il y a 5000 croyants, donc ça doit être que Dieu. Ou ça ne peut être que Dieu. C'est la continuité de l'Éternel de la bouche. C'est ça! Dieu a dit que là où deux ou trois sont établis, Dieu est au milieu d'eux. Il n'y a pas parlé de 5000. Il n'y a pas parlé de 5000. Pas 5000! 3000! Vous pouvez être 1000, mais tous dans les fonds. Élie était seul. Élie était seul. Michel était seul. Mais à cause de lui, il y avait 400 prophètes devant. Et 450 prophètes de la Le grand nombre était dans les fonds. Mais un élu venu était au service de Dieu. Qui est à côté de lui? Personne. Même pas une famille derrière. Tout le monde embouté et intoxiqué contre lui. Mais c'est Élie qui était le vrai prophète. Le vrai serviteur qui était avec le Seigneur. Élie était le vrai prophète.